Vous êtes toujours à l'écoute d'Elbanger sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6, et on continue à dérouler tranquillement l'émission de ce soir, et nous sommes toujours au milieu de l'aspect française. Encore une fois, une doublette égale une nouveauté. Kibosh maintenant, formation bordelaise de Chaotic Hardcore. Le premier album studio vient de voir le jour via Frozen Records. Un EP était sorti en juin 2023 qu'on n'avait pas manqué de vous diffuser. On est sur un 8 titres pour 17 minutes, c'est très court, c'est hyper intense. Ça va chercher au niveau des influences de manière assez variée dans le metal extrême jusqu'à l'emocore. Et on a même des bonnes vibes punk hardcore. Donc voilà, à se déguster avec plaisir ce nouvel effort de Kibosh. Et une sortie sur un autre label nantais, Repurgator, récente formation de Death qui nous vient de région parisienne, mais qui sort sur le label nantais Lordali Noir, voilà, après Frozen Records. Grosse inspiration Death old school américain. Voilà, le côté sauvage d'un Dayside et la dimension ultra groove de Cannibal Corpse. Ça fait bien le taf ce que nous propose Repurgator. Kibosh, Rest and Ember, extrait de l'album Your Favorite Curse. Repurgator, Years of Torment, extrait de l'album Fovea Inferno. Et c'est parti. We'll be right back. Doublette suivante, Diablation et Reclaimed. Même si je crois que je viens de dire une énorme bêtise, je crois que ça se prononce tout simplement Diablation. C'est du Black Symphonique qui nous vient de Bordeaux, voilà, tout comme Kibosh. La formation a vu le jour en 2020, c'est déjà le troisième effort studio. Toujours une sortie chez Osmos Productions. 6 titres qui vont de 5 à 8 minutes à un black chanté en français. Très ancré hein, dans la scène française bordelaise des années 90, c'est cru et épique. Au niveau du line-up, sans trop de surprises, on retrouve des vétérans, notamment le vocaliste Vicomte Vampire Arkhams, qui a été le premier chanteur de set au début des années 90, notamment sur l'emblématique album Les Blessures de l'âme. En doublette avec Diablation, Reclaimed, formation francilienne de Metallic Hardcore, toute jeune pousse, hein, c'est le premier EP qui vient de voir le jour. 5 titres, c'est textuellement très engagé, recette musicale plutôt classique, cependant on n'est pas dans la facilité pour autant, et voilà, bon équilibre entre les côtés plutôt métal extrême et le hardcore de ces grands morts. Au niveau des morceaux choisis dans l'émission de ce soir, Diablation éternelle, extrait d'album Irrévérence, Reclaimed, le titre Spark, extrait de l'EP Dead End, et tout ça c'est sorti tout récemment. We'll be right back. toujours à l'écoute d'Elbanger sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. Retour à la diff internationale avec Groza. Une autre nouveauté, on est toujours sur le mood, une doublette, une nouveauté. Groza, puis Phaéton. Groza, tout d'abord, c'est du black, encore une fois, qui nous vient d'Allemagne, actif depuis bientôt 10 ans. C'est le troisième effort studio. 5 compos plutôt généreuses, hein, parce que les titres font entre 7 et 10 minutes. Un black soigné, très intense, délicatement mélodique. On va pouvoir chercher les inspirations du côté de Uyada et autres Gaera. C'est pas forcément hyper original, mais c'est solidement exécuté. Et en fait, sur la durée, on se fait complètement happer par l'efficacité de l'album. Phaéton, ensuite, on est sur du Heavy Epic qui nous vient d'Angleterre, qui a vu le jour courant 2020, hein, formation Covid. Donc, on y retrouve des membres notamment de Craven Idol et autres Fen. On est dans un geste assez éloigné du black metal qu'ils ont l'habitude de nous proposer jusque maintenant. Un premier EP a été sorti fin 2020, et là c'est le premier album qui vient de voir le jour via Gates of Hell. 8 titres pour une quarantaine de minutes d'un heavy bien épique, old school à souhait. En termes d'influence, ça va chercher du côté des vieux Manowar et autres Mercyful Fate, et même Bathory et Sirius Ungol. Un petit côté occulte, proto-metal extrême, qui vient s'ajouter à ce heavy épique. Au niveau des morceaux choisis, on va s'écouter tout de suite donc pour Groza, le morceau Asbest, extrait de l'album Nadir. Phaéton ensuite, Forgotten Gods, extrait de l'album Wilder of the Steel. Et c'est parti. On approche tout doucettement de la fin de l'émission de ce soir, et la doublette à venir va nous permettre de clôturer la série Une doublette, une nouveauté, puisqu'on a tout d'abord Pneuma Aegeon. C'est une formation Black Death qui nous vient du Texas, active depuis 10 ans, et le troisième effort studio vient de sortir chez Everlasting Spew Records. 9 compos qui avoisinent toutes les 2 minutes et quelques. C'est très concis, brut, primitif hein, dans l'approche, avec un côté caveman Black Death, typiquement venu du Texas. Des petits passages légèrement doomy et des instruments accordés très bas. Ça se revendique directement influencé par le Morbid Angel version Gateway to Annihilation et des formations du type Disma ou Immolation, le Death bien cradingue. Eldamar pour l'aspect plus lumineux suite à Pneuma Aegeon. One Man Band qui nous vient de Norvège, atmosphérique black metal hyper soigné. C'est le troisième effort studio qui vient de voir le jour en 10 ans d'existence. Il fait suite au très très bon et sombre Dark Forgotten Past. Ce nouvel effort studio de Eldamar est beaucoup plus lumineux, puisqu'on retrouve des lignes vraiment aériennes et des influences shoegaze post-rock. Et ça se marie parfaitement bien avec leur base musicale. 6 titres pour 40 minutes de son. On va pas bouder son plaisir sur ce nouvel studio de Eldamar. Pneuma Aegeon Resurrected Abomination, extrait de l'album From Beyond. Eldamar and Eternal Sorrow, extrait de l'album Astral Journey Part 1 Creation. C'est parti. Hey, you dark, hey. Dernière doublette dans l'émission de ce soir, et on s'écoutera un tout dernier groupe juste après. Norna et Teeth pour la doublette à venir. Norna, c'est une formation internationale avec des icônes qui viennent de Suède et de Suisse. Active depuis 4 ans seulement, ça évolue dans une veine post-metal et sludge. Un second album vient de voir le jour chez Pelagic Records, 6 compos pour 40 minutes bien massives, abrasives, dans une vibe Cult of Luna amènera. Le vocaliste du groupe, au passage, n'est pas un débutant, il s'agit de Thomas Elbom, qui a notamment été la voix de l'emblématique groupe de post-hardcore suédois Breach dans les années 90. Teeth, ensuite, formation californienne de death bien crado, active depuis une dizaine d'années, ayant récemment sorti leur troisième effort studio. 40 minutes pour 11 titres, on est sur du death bien oppressant, qui va chercher du côté d'un Ulcerate ou autre Gore Guts. Et dans Teeth, on retrouve des membres du collectif latino-américain Tom Pansley, dont on avait diffusé l'album plus tôt dans l'année, et tout ça, ça gravite autour du groupe de hardcore Xibalba. Norna, le titre Ghost, extrait de l'album éponyme Norna, Teeth Shiver, extrait d'album The Wheel of Hate. Et on clôture l'émission de la meilleure des manières, de façon ultra fast. Viscera Infest, groupe de japonais de Gorgrind actif depuis 25 ans. Ultra Speed Gorgrind, donc le troisième effortudo est sorti cet été. 10 ans se sont écoulés depuis le second album. 10 titres pour 40 minutes avec une petite cover de Disgorge pour clôturer tout ça. Viscera Infest, c'est extra sur album, c'est absolument incroyable sur scène. On s'écoutera le morceau Gutate Psoriasis, extrait de l'album Terra Thomas, et c'est sorti sur le label japonais Obliteration Records. Sur ce, excellente fin de soirée à toutes et à tous, bonne fin d'émission, bonne fin d'écoute. On se retrouve dimanche prochain, cette fois ce sera pour une émission en direct. Ciao ciao.